يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module initial, retranscrire une lettre. Chapitre 12, dictée 139, écris la lettre que tu entends avec un soukoun. Première lettre. Az. Az. Az. Az. Az. Deuxième lettre. S. S. S. S. S. Troisième lettre. Az. Az. Az. Az. Az. Quatrième lettre. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Cinquième lettre. Av. Av. Av. Av. Av. Sixième lettre. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Septième lettre. M. M. M. M. M. Huitième lettre. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Neuvième lettre. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Dixième lettre. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Onzième lettre. L. L. L. L. L. Douzième lettre. R. R. R. R. R. Treizième lettre. Et. Et. Et. Et. Et. Quatorzième lettre. Az. Az. Az. أز أز. Quinzième lettre. Aqo. Aqo. Aqo. Aqo. Aqo. Seizième lettre. Ash. Ash. Ash. Ash. Ash. Dix-septième lettre. Aïe. Aïe. Aïe. Aïe. Aïe. Dix-huitième lettre. F. F. F. F. F. Dix-neuvième lettre. N. N. N. N. N. Vingtième lettre. Apo. Apo. Apo. Apo. Apo. Vingt et unième lettre. R. R. R. R. R. Vingt-deuxième lettre. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Vingt-troisième lettre. Vingt-quatrième lettre. H. H. H. H. H. Vingt-cinquième lettre. Aou. Aou. Aou. Aou. Aou. Vingt-sixième lettre. F. F. F. F. F. Vingt-septième lettre. Ek. Ek. Ek. Ek. Ek. Vingt-huitième lettre. Edge. Edge. Edge. Edge. Edge.